La cour de Louis XIV par Paul de Noailles. Ce qui faisait le centre et le fond de la cour, c'était naturellement la famille royale, entourée des nombreuses personnes attachées à son service. Chaque prince ou princesse avait sa maison complète, composée de gentilshommes, d'écuyers, de dames, et même de demoiselles d'honneur. C'était comme autant de brillantes étoiles autour de ce soleil sans égal, nec pluribus impar, et qui avaient elles-mêmes leurs satellites qu'elles entraînaient partout avec elles dans leur orbite. Venait ensuite une multitude de seigneurs, de dames, de gentilshommes, auxquels leur naissance donnait le droit d'y paraître, et qui tenaient à montrer leur empressement de s'y rendre. Le triomphe définitif de la royauté sur la puissance féodale avait achevé d'attirer toute la grande noblesse à Versailles. La véritable existence aristocratique y perdit, mais la cour et la société y gagnèrent. On peut certainement dire que l'assemblage de tant de grandeurs personnelles, de renommées diverses, de distinctions et d'esprit, de grâce et même de vertu, formait la plus belle réunion dont un trône était jamais environné. Tous les services divers attachés au prince et toutes les charges de la maison royale entretenaient un personnel immense qui remplissait le château, où chacun d'ailleurs, pour s'éloigner le moins possible du souverain, tenait à avoir un logement, quelque restreint qu'il fût. Vivre à la cour était l'objet de l'ambition universelle. Tous les désirs étaient d'y être admis, toute la crainte d'en être éloigné. On ne savait pas vivre loin du roi. Tous les regards étaient fixés sur ce maître, dispensateur des grâces, et plus que jamais, s'ouvrir et s'agrandir la science et la carrière de courtisan. La Bruyère, qui peignait son temps, l'a dit d'un mot. La cour ne rend point heureux. Elle empêche qu'on le soit ailleurs. Au reste, ce n'était pas une pure fantaisie, ou une simple rancune contre la fronde, mais un calcul politique et réfléchi qui avait fait de Versailles le centre de la cour et des affaires, et qui, tout en laissant à la ville de Paris l'importance d'une grande capitale, ne voulait plus y enfermer le siège du gouvernement. Dès le temps d'Henri III, on disait que Paris était une trop grosse tête pour le corps du royaume. Les troubles de la fronde n'avaient fait que confirmer ce qu'avaient appris ceux de la Ligue et justifier la prévoyance du souverain, prévoyance bien autrement justifiée par les événements de nos jours. Le château de Versailles, entièrement achevé, et ayant pour annexe l'élégant palais de Trianon, chef-d'œuvre d'architecture dans le goût italien, formait donc la résidence habituelle et le grand point de réunion de la cour entière. Chaque heure du jour, en quelque sorte, y amenait et y renouvelait la foule. C'était le lever du roi, auquel avait droit d'assister un certain nombre de courtisans devant lesquels il s'habillait. C'était la messe où il se rendait à midi, suivi des princes et des princesses, de ses officiers, de tous les grands seigneurs qui étaient là, traversant la grande galerie où le public lui-même et tout individu pouvait le voir, lui présenter un placet ou même lui parler. C'était ensuite le dîner, habituellement au petit couvert, où cependant il assistait encore. C'était le souper où les assistants étaient plus nombreux, sans parler de la soirée qui le précédait et le suivait. C'était même le coucher où les privilégiés étaient admis, et où l'on ambitionnait beaucoup l'honneur de tenir le bougeoir pendant que le roi se déshabillait. C'était une distinction et une faveur qui se comptaient, dit Saint-Simon, tant le roi avait l'art de donner l'être à des riens. Le roi vivait littéralement en public, sorte de divinité qu'on entourait à toute heure. Puis venaient les diverses réceptions des princes et des princesses, qui avaient d'ailleurs leurs habitués et leurs cours particulières, celles des ministres, où aboutissaient toutes les affaires, celles des nombreux personnages qui habitaient le palais et y avaient leur maison. C'était enfin des allées et des venues continuelles de seigneurs en habits brodés, d'officiers de toutes sortes, d'affairés de curieux, de carrosses, de chaises, de valets traversant les cours. L'œil de bœuf ne désemplissait pas. L'œil de bœuf était une pièce appelée la salle des bassons, à cause de plusieurs tableaux du bassin, laquelle précédait la chambre à coucher du roi et se trouvait éclairée par un seul œil de bœuf à son extrémité. Outre ces occasions de se rencontrer sans cesse et les visites qu'on se rendait mutuellement et sans compter les fêtes et les cérémonies qui augmentaient l'affluence à certains jours, il y avait chaque soir comédie ou appartement avec jeux, musique et souvent bal, et durant le carnaval de grands bals en masque. Puis, dans la journée, les chasses du roi et celles de Monseigneur qui courait le cerf ou le loup presque tous les jours, les promenades dans les jardins ou sur le canal, les collations à la ménagerie ou ailleurs, les dîners à Trianon ou à Marly, où le roi dînait avec les dames comme il faisait souvent à Versailles même dans ses petits appartements, car en public le roi ne dînait qu'avec la famille royale. puis il y avait en certaines occasions, comme par exemple au jour des rois, les grands soupers dans la galerie à 5 ou 6 tables de 15 à 20 dames, présidées par les princes ou princesses. En un mot, la vie de représentation et le mouvement, les habitudes de la cour, continuèrent de rester à peu près les mêmes, avec une nuance de gravité de plus à l'époque où nous sommes parvenus. Tout se concentrait à la cour. L'existence des plus grands seigneurs avec leur état de maison et leurs habitudes de magnificence, une foule de personnages d'un moindre rang, mais que leur charge, leur naissance ou leur mérite y attiraient, l'importance des ministres et des affaires qu'ils avaient en leurs mains, la réunion des princes et de tout ce qui marchait à leur suite, le concours de tout ce qui tenait aux emplois supérieurs de l'armée, la magistrature et le clergé qu'une multitude de fonctions ou de circonstances y appelait, les célébrités des lettres et des arts, les intérêts publics et privés, l'ambition et les intrigues, les affaires et les plaisirs, et c'est ce qui constituait ce drame mouvant, rempli de scènes petites ou grandes, d'événements, de mariages, de morts, de revirements soudains, de déceptions et d'espérances, qui agitait ce monde à part, se reflétait sur les physionomies et offrait un spectacle perpétuel qui nous frappe encore aujourd'hui. Il semblerait que toute la vie de la France y fût renfermée, et cependant, la vie provinciale conservait alors une importance qu'elle est fort éloignée d'avoir de nos jours. Quoique la centralisation fût déjà érigée en système, les grands corps du Parlement et du clergé, les assemblées des pays d'État, les intendances, quoiqu'elles représentassent le pouvoir, la noblesse de province et les privilèges qu'elles conservaient encore, les municipalités et jusqu'aux corporations du commerce et de l'industrie, entretenaient dans le royaume, sinon une activité générale comparable à la nôtre, du moins une action locale, une existence et une sorte d'indépendance provinciale que notre temps ne connaît plus. Madame de Maintenon accompagnait de temps en temps le roi dans ses promenades, quelquefois même à la chasse, ou dans les dîners ou soupers particuliers avec les dames, et dans les courses à Trianon ou à Marly, où elle le suivait toujours quand on y séjournait. Mais, ordinairement, elle se mêlait peu à toutes ces parties et n'assistait ni au souper, ni à l'appartement, ni aux comédies, sauf en de rares occasions. À Saint-Cyr étaient ses véritables fêtes, ses distractions et ses plaisirs. C'est là qu'elle courait dès qu'elle avait un instant de liberté. C'est là qu'elle oubliait avec délice la cour, les courtisans et les affaires, dans les occupations utiles, dans le travail élevé de l'éducation des âmes, de la direction des esprits, ou bien à faire sous toutes les formes, ordre d'idées si supérieures aux intérêts de la terre, quand la pensée s'est accoutumée à vivre dans ces régions morales et dans l'atmosphère épurée de la religion et de la foi. Toute la famille royale habitait Versailles et quittait peu le roi. Monsieur et madame eux-mêmes ne faisaient que de courtes absences pour aller passer quelques jours dans leur palais de Saint-Cloud. Les princes du sang, c'est-à-dire les Condés et les Conti, vivaient magnifiquement chez eux, à Paris ou à Chantilly. Mais ils étaient aussi très souvent à Versailles, où ils avaient leurs appartements. Ces divers lieux, d'ailleurs, se trouvaient tous dans les environs et se touchaient, pour ainsi dire. Aussi n'empêchait-il pas, avec l'habitude qu'on avait d'être sur les chemins, qu'on se trouvât à tout instant à Versailles, à Fontainebleau, à Marly. La cour était donc toujours nombreuse, et le roi tenait à ce qu'elle le fût. Il est vrai que dans les jours en quelque sorte publics, à l'appartement par exemple, on le venait sans être invité, tout ce qui était noble ou gentilhomme, et qui avait par conséquent le droit d'être présenté, tout ce qui tenait de près ou de loin à quelque prince, tout ce qui possédait la moindre charge, et moyennant finance ou protection, on y parvenait assez facilement, obtenait la faveur d'y paraître. Il ne faut pas croire qu'il fallut pour cela être muni de parchemins bien poudreux. On citerait, quoique par exception, d'assez nombreux exemples du contraire. Il en résultait même des existences passablement singulières et cependant tolérées. M. de Langlais, écrivait un jour Madame de Sévigné, a donné à Madame de Montespan une robe d'or sur or, rebrodée d'or, rebordée d'or, et par-dessus un or frisé, rebroché d'un or mêlé avec un certain or, qui fait la plus divine étoffe qui ait été imaginée. Ce sont les fées qui ont fait cet ouvrage secret. Le tailleur de Madame de Montespan lui apporta l'habit qu'elle lui avait ordonné. Il en avait fait le corps sur des mesures ridicules. Voilà des cris et des gronderies, comme vous pouvez le penser. Le tailleur dit en tremblant, « Madame, comme le temps presse, voyez si cet autre habit que voilà ne pourrait point vous accommoder faute d'autre. » On découvrit l'habit. Ah, la belle chose! Ah, quelle étoffe! Vient-elle du ciel? Il n'y en a point de pareil sur la terre. On essaye le corps, il est à peindre. Le roi arrive. Le tailleur dit « Madame, il est fait pour vous. » On comprend que c'est une galanterie, mais qui peut l'avoir faite ? « C'est l'anglais, » dit le roi. « C'est l'anglais, assurément, » dit madame de Montespan. « Personne que lui ne peut avoir imaginé une telle magnificence. C'est l'anglais, c'est l'anglais. » Tout le monde répète « C'est l'anglais. » Les échos en demeurent d'accord et disent « C'est l'anglais. » « Et moi, ma fille, je vous dis pour être à la mode, c'est l'anglais. » Quel était donc ce l'anglais qui était sur le pied de fer de pareil cadeau à madame de Montespan sous les yeux du roi ? L'anglais, dit Saint-Simon, espèce d'homme fort singulier dans une cour, était un homme de rien, dont le père s'était enrichi et avait acheté une charge de maréchal des logis de l'armée pour se décorer qu'il n'avait jamais faite. Sa mère avait été femme de chambre de la reine-mère et avait produit son fils de bonne heure parmi le grand monde où il s'était mis dans le jeu. Il y gagna un bien immense. Il fut des plus grosses parties du roi du temps de ses maîtresses. La conformité de goût l'attacha particulièrement à monsieur, mais sans perdre le roi de vue, il se trouva insensiblement de tout à la cour. Il fut de tous les voyages, de toutes les parties, de toutes les fêtes, ensuite de tous les marlis, lié avec toutes les maîtresses, puis avec toutes les filles du roi, et tellement familier avec elles qu'il leur disait fort souvent leur vérité. Il était fort bien avec tous les princes du sang, qui mangeaient très souvent à Paris chez lui, où abondait la plus grande et la meilleure compagnie. Il s'était rendu maître des modes, des fêtes, des goûts à tel point que personne ne donnait que sous sa direction, à commencer par les princes et les princesses du sang. Point de mariage dont les habits et les présents n'eussent son choix, ou au moins son approbation. Il était fort bien et fort familier avec Monseigneur. Une espèce comme celle-là dans une cour est assez bien. Pour deux, c'en serait beaucoup trop. Voilà un type dont il y avait à Versailles des copies, bien qu'avec des nuances, un parvenu de cour, comme il en existait plusieurs sous Louis XIV, comme il y en eut toujours à la cour de France, beaucoup plus accessible qu'on ne se le figure, non seulement au mérite, mais à des personnes qu'on ne croirait pas faites pour y être. Il est même à remarquer que dans les grands bals en masque, dont nous parlions tout à l'heure, on laissait, à une certaine heure, entrer indistinctement tout le public qui se présentait. On lit dans le Mercure galant du mois de février 1693, le mardi, dernier jour de carnaval, il y eut assemblée de masques dans le grand appartement de Versailles. Le roi et la reine d'Angleterre y vinrent, et il ne se trouva dans cette assemblée que ce prince, cette princesse, le roi et monsieur sans être déguisé. Le roi se retira entre minuit et une heure, et ce ne fut qu'après que sa majesté fut sortie qu'on permit d'entrer aux personnes masquées qui n'étaient pas de la cour. Le bal dura jusqu'à 5 heures du matin, que Monseigneur le Dauphin se retira après avoir changé plusieurs fois d'habit. La démocratie de nos jours ne se doute pas qu'il y eut tant de facilité et de bonhomie à la cour du grand roi. Monseigneur donnait aussi quelquefois des bals et des fêtes dans son appartement de Versailles, et chaque hiver, monsieur en donnait plusieurs au palais royal à Paris, où on laissait également à une certaine heure entière les masques de la ville. Cette facilité tenait peut-être au droit que donnait alors le carnaval de courir en masque les divers bals sans y être invité, droit auquel il paraît que la cour elle-même se soumettait de bonne grâce. Les mémoires de Mademoiselle de Montpensier nous montrent le jeune Louis XIV sous la régence de sa mère, et même, dans les premières années de son mariage, se rendant masqué et accompagné de plusieurs princes et princesses de sa famille et de sa cour dans les divers bals de la capitale. Pour Marly et Fontainebleau, il n'y allait que ceux qui étaient demandés et qui demandaient à l'être. On sait que quand Marly fut achevé, le roi y passa d'abord 2 ou 3 jours par semaine pour s'y reposer, y échapper à la foule, y être plus à l'aise, y entouré de moins de courtisans. Ça avait été son but en créant cette délicieuse résidence, cachée en quelque sorte au fond d'un vallon entre Versailles et Saint-Germain, et d'une proportion assez restreinte pour qu'on n'y pût admettre que peu de monde, mais qui fut envahie bientôt par le goût de la magnificence dont on ne pouvait se défendre, ornée de fontaines et de cascades, de peintures et de statues, de marbres et de sculptures parmi les fleurs et les bosquets. Somptueuse retraite où le roi prétendait dissimuler sa grandeur. Le tout se composait d'un château, ou plutôt d'un grand pavillon carré à l'italienne, placé au milieu des jardins, entouré de parterres fleuris et destiné au logement du roi et de la famille royale, lequel était précédé de 12 autres pavillons également carrés, mais plus petits, se faisant face, 6 d'un côté, 6 de l'autre, communiquant entre eux et avec le pavillon royal par des portiques de verdure et réservés au logement des courtisans. De l'autre côté du palais, une rivière, alimentée par la machine de Marly, descendait du haut de la colline en cascade sur 63 gradins de marbre au milieu des bois et se distribuait ensuite entre divers bassins et jets d'eau. Il était difficile, malgré la critique qu'en fait Saint-Simon, de ne pas admirer l'élégance et la richesse de cet endroit célèbre, le séjour favori du roi, auquel il faisait travailler sans cesse, où il ajoutait toujours quelque chose de nouveau, et dont il ne reste plus aucune trace. Destruction regrettable, qui nous prive d'une belle création de plus, et qui se joint à la destruction de tant de monuments de différents âges et de styles divers, qui donnerait aujourd'hui un aspect si riche et si varié à la France. Mais bientôt, les séjours de Marly se prolongèrent et furent souvent d'une semaine entière. La vie qu'on y menait, c'est-à-dire l'appartement, le jeu, la musique, la comédie, les promenades et les chasses, était la même qu'à Versailles, mais avec plus de liberté, moins de monde et moins d'étiquette. À Marly, dit madame, le roi ne voulait pas la moindre cérémonie. Il n'était permis ni aux ambassadeurs, ni aux envoyés d'y venir. Il ne s'y donnait point d'audience. Il n'y avait point d'étiquette, et tout courait pêle-mêle. À la promenade, le roi faisait mettre le chapeau aux hommes, et dans le salon, il était permis à tout le monde, jusqu'au capitaine, lieutenant et sous-lieutenant, de s'asseoir. Cela m'a tellement dégoûté du salon que je ne m'y suis jamais tenu. Le roi prétendait y trouver l'agrément de la vie privée. Aussi, on y menait une sorte de vie de château, on y était beaucoup plus réunis. Les dames les plus retirées, dit Saint-Simon, ne pouvaient guère l'être. Elles s'assemblaient pour le dîner. Presque jusqu'au souper, elles demeuraient dans le salon, et par-ci, par-là, les distinguaient dans la première pièce de l'appartement de Madame de Maintenon, où ni elle ni le roi ne se tenaient, mais où elles le voyaient passer plus à leur aise et mieux remarqué. Madame de Maintenon y était elle-même beaucoup plus mêlée au monde, et le roi était plus assidûment chez elle, parce qu'elle n'avait point là de Saint-Cyr à aller dès le matin comme à Versailles. Les princes et les princesses s'en usaient d'eux-mêmes. « J'ai peu de loisirs ici, » écrivait-elle à Madame de Brinon, « et les grands ne me quittent guère. » Elle y dînait à la table du roi, se mettait vis-à-vis de lui, ne mangeait jamais qu'à celle-là, et soupait toujours seule chez elle. Car le roi et monseigneur tenaient chacun une table soir et matin dans la même pièce. Les dames s'y partageaient sans affectation, sinon que Madame la princesse de Conti était toujours à celle de monseigneur et ses deux autres sœurs toujours à celle du roi. Il y avait dans un coin de la même pièce 5 ou 6 couverts où, sans affectation aussi, se mettaient tantôt les unes, tantôt les autres, mais qui n'étaient tenues par personne. « Vous ne sauriez croire, » écrivait Racine, qui était admis dans cette intimité royale, « combien cette maison de Marly est agréable. La cour, elle, ce me semble, tout autre qu'à Versailles. Il y a peu de gens, et le roi nomme tous ceux qui les doivent suivre. Ainsi, ceux qui y sont, se trouvent fort honorés d'y être, y sont aussi de fort bonne humeur. Le roi même y est fort libre et fort caressant. On dirait qu'à Versailles, il est tout entier aux affaires, et qu'à Marly, il est tout à lui et à son plaisir. Il m'a fait l'honneur plusieurs fois de me parler, et j'en suis sorti à mon ordinaire, c'est-à-dire fort charmé de lui et au désespoir contre moi, car je ne me trouve jamais si peu d'esprit que dans ces moments où j'aurais le plus envie d'en avoir. » Les invités, d'abord en petit nombre, finirent bientôt par être d'une 60aine de personnes, sans compter la famille royale. Les personnes en grande charge auprès du roi et des princes, ainsi que leurs femmes et leurs maris, en étaient toujours. Les choses se conduisaient de même à Fontainebleau, où l'on passait tous les ans 6 semaines en octobre et en novembre, mais où la cour était plus nombreuse qu'à Marly. Depuis l'année 1686, le roi n'allait plus à Chambord et n'allait que rarement à Compiègne. Du reste, on n'avait pas besoin, pour paraître à la cour, de porter ce que nous appelons l'uniforme. Il n'y avait pas à proprement parler de costume de cour. On y venait en habit habillé et en épée, ce qui n'était autre chose que le costume du temps. Le roi lui-même n'était pas mis autrement. Ses habits étaient ordinairement d'étoffes très riches de brocart, de soie ou de velours, brodées d'or ou d'argent, ornées de dentelles ou de pierreries, d'autrefois plus simples. On ne voyait en uniforme militaire que le capitaine des gardes de service et les colonels venant prendre congé. La cour n'était pour ainsi dire que la société du roi. On y était vêtu, quoique plus magnifiquement, comme on l'était dans la société de la ville. Là, au plaisir de la conversation et à tous ceux que nous venons de rappeler, se joignait celui du jeu, passe-temps nécessaire dans les cours pour remplir les heures, donner une contenance, soulager les conversations et venir au secours de ceux qui n'en ont pas. Le goût d'ailleurs y était, mais le ton en était habituellement très élevé. Juste sujet de blâme, car on doit s'étonner que dans la période de sagesse où le règne était entré, Louis XIV continuait d'autoriser un passe-temps qui pouvait être ruineux. On ne cite néanmoins la ruine de personne. L'habitude établissait les compensations, quoique quelques-uns, dit-on, aient fait sur la masse des gains considérables. On avait toujours beaucoup joué à la cour, notamment sous Henri IV et Mazarin. Cela entrait dans les nobles habitudes et le luxe de la vie, autant par le mépris de l'argent que par le goût du gain. Les princesses et la reine elles-mêmes y avaient souvent fait des dettes considérables. Quant au roi, qui avait joué fort gros jeu dans sa jeunesse, il ne jouait plus que très rarement à l'époque où nous sommes parvenus. Une autre profusion, également regrettable par ce qu'elle devait coûter, c'était les loteries de bijoux ou d'étoffes, où tous les billets étaient gagnants et que le roi faisait fréquemment tirer aux dames. Madame de Maintenon tirait comme les autres, dit Saint-Simon, et donnait presque toujours sur le champ ce qu'elle avait gagné. Chacune de ces loteries montait à de grosses sommes. Monseigneur et monsieur en donnaient aussi quelquefois. Toute cette belle société était régie par une foule de petites lois qui imposaient des règles pour toutes choses, traçaient le cérémonial de chaque jour, fixaient les privilèges et les droits de chaque charge, et composaient ce vaste code de l'étiquette dont la science était indispensable et dont l'interprétation, souvent difficile et contestée, donnait lieu à des discussions et à des prétentions rivales, lesquelles prenaient quelquefois la proportion d'affaires d'État, où le roi était obligé d'intervenir et de prononcer. Tout s'exagère, et le ridicule, surtout en pareille matière, s'attache naturellement à l'exagération. L'étiquette ne fut cependant pas une pure création de la vanité et de la petitesse humaine. Quelque singulière, par exemple, que puissent paraître certaines fonctions qui semblent tenir de la domesticité, fonctions que les grands se disputaient entre eux et qu'ils cédaient toujours au prince du sang quand ceux-ci se présentaient, il faut en voir l'origine dans les antiques usages de la féodalité, dont l'échelle hiérarchique qui enchaînait tous les rangs les uns aux autres se manifestait par des costumes analogues à des services personnels, lesquels, s'étant peu à peu effacés ailleurs, se conservèrent autour du souverain comme un souvenir et une tradition de l'ancien temps, en même temps qu'il relevait la dignité royale aux yeux du public. De là cette expression qu'on trouve encore dans Saint-Simon, dans le cardinal de Retz et dans quelques autres mémoires d'appartenir à tel prince ou à telle maison, et celle de domestique appliquée à des personnes nobles par rapport à des seigneurs plus considérables, chez lesquels elles avaient des emplois militaires ou honorifiques. Cela voulait dire qu'elles faisaient partie de la maison, domus, et ces termes n'étaient pas moins honorables dans le vocabulaire des fiefs que les fonctions qu'ils désignaient. Ne l'oublions pas, le respect tenait une place énorme dans notre ancienne société. Il était un de ses principaux fondements, et tous ces usages de la cour, comme tous ceux qui s'observent dans le monde et dans les familles, n'en étaient que la forme publique et le constant témoignage. Il en était de même des droits de préséance, de celui pour les dames d'être assises ou baissées, pour les princes d'avoir des chaises à dos ou des fauteuils, pour les hommes de monter dans les carrosses du roi ou d'avoir certaines entrées et de certains privilèges que s'attribuaient certaines familles. Quelque puérile que ne semble l'importance qu'on y attachait, de même que la gravité avec laquelle on traitait ces matières, ce n'était que l'application, souvent exagérée et minutieuse, du principe hiérarchique de l'ancienne société qui constatait d'une manière visible les degrés divers parmi les rangs les plus élevés. D'ailleurs, il ne serait pas juste de faire retomber sur la cour seule le ridicule des querelles d'étiquette. La vanité, assez naturelle aux Français, n'en exemptait aucune classe. Si, par exemple, en province, dans l'assemblée des notables, on accordait à l'un des corps le pas sur l'autre, celui-ci cessait d'y paraître. Le corps des perruquiers de la ville de La Flèche décida qu'il témoignera de cette manière la juste douleur que lui cause la préséance accordée au boulanger. On pourrait multiplier ces exemples, comme le fait Alexis de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Il en est de l'étiquette à la cour comme de la politesse dans le monde. Pour maintenir parmi les hommes l'harmonie des rapports sociaux, il faut certaines règles, certains usages, certaines bienséances de convention, qui conservent au moins l'apparence des bons sentiments et dans leurs formules officielles et souvent mensongères, établissent une sorte de code protecteur, élève comme une barrière pour défendre la société contre les violences, les animosités et les passions, qui, sans cela, se soulèveraient dans son sein et y amèneraient la barbarie. Louis XIV tenait beaucoup à l'étiquette, au droit des charges, à la nuance des rangs. Il s'en occupait et y attachait de l'importance, notamment ce qui regardait sa personne. « Cela s'abuse, dit-il dans ses mémoires, qui s'imagine que les prétentions de cette qualité, il parle de la prééminence royale, ne soient que les affaires de cérémonie. Il n'est rien en cette matière qui ne soit à considérer et qui ne tire à conséquence. Les peuples, ne pouvant pénétrer le fond des affaires, règlent d'ordinaire leur jugement sur ce qu'ils voient au dehors, et c'est le plus souvent sur les séances et sur les rangs qu'ils mesurent leur respect et leur obéissance. » Ces principes s'échelonnaient en quelque sorte parmi les rangs divers qui s'étageaient au-dessous de la royauté. Il ne faudrait pas néanmoins en conclure que toute cette cour fut absorbée par l'étiquette et comprimée sous son poids, comme le fut la cour d'Espagne. On peut s'en rapporter sur ce point à l'esprit français. Elle n'en était ni moins brillante, ni moins animée, ni moins pleine d'un mouvement que renouvelait chaque jour mille intérêts divers, sans parler des intrigues que l'ambition, les rivalités ou la coquetterie mettaient en jeu. Cette cour, qui était composée alors de l'élite de la nation, remplit sa merveille le rôle qui lui était marqué à la tête de la société française. Toute société élégante et polie, dans un siècle civilisé, a besoin, pour rester elle-même, d'une cour qui en soit le centre et le lien, le point de mire et le modèle, une espèce de sanctuaire où se conservent les belles manières et les traditions, l'élégance et la simplicité, l'habitude du respect et des devoirs à rendre, le sentiment de la hiérarchie et de la différence des rangs, celui de la politesse et de la nécessité de se gêner et de se contraindre, le désir de plaire et de réussir, toutes conditions nécessaires à l'existence de ce qu'on appelle la bonne compagnie et auxquelles se joint encore la conversation du beau langage. Le beau langage, dit Vaugelas, c'est la façon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs du temps. Quand je dis la cour, j'y comprends les femmes comme les hommes et plusieurs personnes de la ville où le prince réside qui, par la communication qu'elles ont avec les gens de cour, participent à sa politesse. Toutefois, à cette vie de représentation qu'on menait à Versailles et où il semble qu'il n'eût place que pour la pompe et le plaisir, se mêlaient de graves pensées, des conversations sérieuses, un travail énorme d'administration et de politique, le soin de longues guerres et de campagnes difficiles, de fortes discussions littéraires et théologiques, en un mot, le mouvement d'esprit le plus intéressant, le plus varié, le plus soutenu. Et c'est cet ensemble qu'on ne rencontra dans aucun temps et qui donne à cette époque un caractère inimitable. Il suffirait, pour s'en faire une idée, de citer les personnages qui s'abordaient dans ces grandes et belles salles si magnifiquement décorées et que nous voyons déserte aujourd'hui. Versailles était encore peuplé de grands noms. Condé, il est vrai, venait de mourir entre les bras de Bossuet, qui, averti lui-même par ses cheveux blancs, quoiqu'il ne fût pas au bout de sa carrière, mettait fin, par l'éloge du héros, à ses incomparables discours, bien supérieurs aux éloges funèbres des anciens, et portés à leur perfection seulement dans notre patrie. Magnifique monument et modèle achevé de l'éloquence française, où le sublime orateur parle avec une égale puissance le langage de la terre et celui du ciel, peint les combats contre mer et l'ébranlement des empires comme Tacite, mais soutenu par la langue inspirée de l'écriture et par la pensée religieuse toujours présente, tire de profondes leçons du spectacle des cours, des faveurs ou des rigueurs de la fortune, des triomphes de la valeur ou de la politique, et célèbre enfin la gloire humaine plus magnifiquement qu'elle ne fut jamais célébrée, pour l'anéantir ensuite plus profondément dans sa vanité. Mais Condé avait laissé une postérité vivante dans Luxembourg, Catina, Vendôme, Berwick, Vauban, Villars et d'autres encore. L'éclat militaire, au milieu même des revers de nos armes, non plus que les talents de tout genre, ne fit défaut à aucune époque de ce règne où les grandes renommées se succédaient toujours et où tous les mérites se pressaient en foule sur les pas du génie. La cour possédait donc toujours, au milieu de ses célébrités guerrières, à côté de ministres renommés, d'illustres magistrats et des plus grands noms de la monarchie, la cour possédait toujours Bossuet, que sa charge d'aumônier y conduisait fréquemment, Bourdaloue, qu'on ne voyait que dans la chair, Massillon, qui s'apprêtait à y monter, Racine, qui composait pour Saint-Cyr, Esther et Athalie, Boileau, toujours l'arbitre du goût comme le grand justicier de la littérature, nous lirons même La Fontaine, qui publiait, en 1696, un an avant sa mort, quelques-unes de ses plus belles fables dédiées au jeune duc de Bourgogne. La Bruyère, qui du fond de l'hôtel de Condé observait silencieusement les mœurs de la cour et de la ville pour composer sa grande satire philosophique. Et une nouvelle étoile se levait à l'horizon, le futur archevêque de Cambrai, dont le mérite naissant n'échappa point au roi, qui fut bientôt appelé, avec le duc de Beauvilliers, à préparer l'avenir de la France dans l'éducation du prince qui devait la gouverner un jour. Éducation à laquelle nous devons le Télémaque, sans parler d'autres ouvrages excellents, de même que c'est à l'éducation du grand dauphin que nous devons des chefs-d'œuvre de l'histoire universelle, de la connaissance de Dieu et de soi-même, de la politique tirée de l'Écriture sainte. C'est au sein de cette cour grave et brillante, élégante et somptueuse, et au milieu du siècle en partie renouvelé, que Louis XIV, entouré de tout ce qu'il y avait encore de grand à Versailles, nous apparaît à son âge mûr dans une majesté nouvelle et gouvernant dans toute la plénitude de sa puissance. Ses grandes qualités étaient entières, les ressources de son gouvernement immenses, son sceptre redouté de toute l'Europe. Âgé de 50 à 60 ans, il réunissait encore la beauté et la force du corps à une santé qui, malgré de fréquentes mais légères atteintes, le rendait presque insensible aux intempéries. Alliant la politesse à la dignité, l'air gracieux à l'air de maître, possédant l'art de faire valoir tout ce qui émanait de lui, et sachant, dit Saint-Simon, assaisonner ses grâces, distribuant ses faveurs avec assez de justice pour leur ôter le caractère de caprice et de fantaisie, allégeant dans ses relations habituelles le poids du pouvoir absolu par une recherche d'amabilité et d'urbanité qui lui gagnait les cœurs, sa démarche et son port majestueux, la noblesse de ses traits, le calme imposant de sa physionomie, l'égalité de son humeur, sa parole brève et flatteuse, enfin tout le respect attaché à cette grande royauté qu'il représentait si bien, inspirait un mélange d'admiration, de crainte, d'attrait et de dévouement pour sa personne. Nous avons déjà dit comment se distribuait sa journée. Son lever à 8 heures, le roi prenait le matin un verre d'eau et de vin à la glace qui faisait son déjeuner avec une bouchée de pain grosse comme une noix. Et son travail avec les ministres jusqu'à 12h30, c'était le temps pendant lequel se tenaient les conseils. À 12h30, la messe, où la famille royale et la cour le suivaient. Après la messe, le dîner au petit couvert. Puis il sortait vers 2h et allait presque tous les jours tirer dans son parc. Et un homme en France, dit Saint-Simon, ne tirait si juste, si adroitement, ni de si bonne grâce. Ou se promener dans ses jardins, où court le cerf, à cheval ou en compagnie accompagnée de sa suite et des dames. Il faisait régulièrement un fort exercice, qu'il continua jusque dans sa vieillesse, sans tenir compte du temps et de la saison. Vers 5 ou 6 heures, il rentrait et se rendait chez Madame de Maintenon, où il travaillait de nouveau une grande partie de la soirée avec ses ministres. Là, souvent, on lui présentait les nouvelles mariées. Il y recevait les généraux revenant de la guerre, les ambassadeurs arrivant de l'étranger, et il donnait quelquefois des audiences privilégiées. On obtenait de lui venir entretenir en particulier, et tout se passait en présence de Madame de Maintenon. Enfin, il la quittait vers 10 heures, et se rendait à l'appartement où il trouvait sa famille et la cour, y demeurait quelque temps, s'asseyait à une table de jeu, ou jouait au billard, et soupait ensuite au grand couvert avec la famille royale. Puis il rentrait chez lui, où il recevait sa famille intime, c'est-à-dire son frère, ses enfants, avec leur mari ou leur femme, Madame de Montespan, tant qu'elle fut à la cour, et Madame de Thianges. On demeurait là en conversation jusqu'au coucher, qui avait lieu au plus tard vers 12h30 ou 1h. Telle était à peu près la distribution de son temps de plus en plus consacré au travail, comme nous le verrons plus tard. La famille royale passait la journée de son côté, chacun avec sa suite et ses familiers. Monsieur, entouré de ses favoris et de sa coterie, monseigneur à la chasse, souvent accompagné de madame, femme de monsieur, ou en collation et en partie à Trianon, à la ménagerie, à Paris ou à l'opéra avec un prince de Conti et les dames qui l'invitaient, et les autres princes à leurs occupations ou à leurs plaisirs. Puis, le soir, tous se retrouvaient à l'appartement avec la cour réunie au sortir de la comédie, qui avait lieu presque tous les jours, et ils passaient ensemble le reste de la soirée, où l'on trouvait conversation, jeux, musique, dans des salles séparées et souvent bal à la fin. Duc de Noailles.